petit guide de survie pour cette journée qui risque d'être riche en événements. En effet, vous ne l'aurez pas loupé, nous sommes aujourd'hui un vendredi 13, et qui dit vendredi 13 dit forcément qu'il risque de vous arriver un malheureux malheur, qui risquerait inévitablement de vous entraîner tout droit vers une mort atroce. Alors, comment vous protéger au mieux de cette fin prédéterminée ? Le plus simple serait évidemment de rester chez vous, calfeutré dans votre lit, loin de TF1 et de sa verve débile, préparant votre cerveau à mourir à petit feu. Mais si vous avez eu la faiblesse d'esprit d'accepter un rendez-vous avec votre grand-mère et que ce genre de rencontre pourrait ne plus jamais se reproduire, voici un petit guide qui pourrait vous sauver la vie. Dans un premier temps, et ceci sera assez aisé pour les Parisiens, marchez le plus souvent dans des cacas de chiens. Préférez toutefois les bonnes grosses merdes bien fraîches aux petits caca blancs desséchés. Ceux-ci vous apporteront d'autant plus de bonheur. Évidemment, ayez toujours du bois et de la peau de singe à proximité de vous. Personnellement, j'ai choisi une statuette en bois de David Douillet, née l'âne du singe et que l'on peut confondre aisément avec un gorille. Durant votre trajet, évitez bien entendu de passer sous des échelles, vous les reconnaîtrez facilement. Il s'agit d'un ustensile composé de deux grandes barres parallèles qui sont jointes par de nombreuses petites autres barres parallèles entre elles et perpendiculaires aux grandes barres. Une fois arrivé chez votre grand-mère, enfermez Miss Tigri dans un placard pour plus de sécurité et veillez absolument à ne pas finir la bouteille, surtout si vous êtes marié. Mamie n'en ayant plus pour très longtemps, cela ne la dérangera pas de finir pendue à la fin de l'année. Vous voilà enfin paré à affronter cette journée et si j'avais un dernier conseil à vous délivrer, en règle générale, évitez les trottoirs. Mieux vaut se prendre un bus dans la gueule plutôt que de passer sous une échelle aujourd'hui. Après tout, c'est vendredi 13, c'est jour de chance.